Voici, à 1 heure environ, de larges extraits du roman de Jules Verne publié en 1872, Le Tour du Monde en 80 jours. Enregistrement, choix des textes et résumés, Jean-Paul Alexis, août 2021.